bien. Merci donc à tous les participants qui viennent écouter cette conférence de Étienne Klein. Donc, qu'en est-il du temps, notion bien connue, familière, généralement sur le mode de l'absence, puisqu'on n'a jamais le temps, en règle générale. Qu'en est-il exactement? Alors, je voudrais juste mentionner le titre d'un livre d'un autre physicien qui travaille, lui, dans la physique quantique, Carlo Rovelli, qui en 2014 intitule un ouvrage « Et si le temps n'existait pas ?» Donc, on voit bien tout de suite que la question est posée dans la mesure où le temps est envisagé comme une substance. Un quart ne peut exister ou ne pas exister que quelque chose qui est susceptible éventuellement d'avoir une existence. Une existence réelle, comme une chose, comme la chaise, la table, dont on pourrait se demander, existe-t-elle, n'existe-t-elle pas? Donc, qu'en est-il au fond? Est-ce que la question est vraiment à poser en ces termes? En 2016, donc, Étienne Klein publie un ouvrage intitulé « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois », où, justement, il va interroger la notion de temps en croisant des analyses philosophiques et des recherches scientifiques. Justement, pour pouvoir, au moyen de l'analyse philosophique aussi, interroger ce statut de quasi-chose, de quasi-substance, qu'on attribue peut-être un petit peu vite à la notion de temps. Et surtout, on peut se rendre compte que ni la philosophie à elle seule, ni la science à elle seule, ne peuvent vraiment épuiser complètement notre questionnement sur le temps. Ne serait-ce aussi peut-être que parce que le temps nous ramène aussi à un vécu, plutôt à une sorte de pathos, puisque le temps nous ramène à notre propre finitude, à la perspective de notre mort, puis à la perspective aussi de l'irréversible. C'est-à-dire qu'il est très compliqué d'analyser aussi la notion de temps du fait de tout ce qui s'y greffe d'affectif, d'affect, lorsque on va faire intervenir cette notion. Et puis aussi, il est difficile d'analyser la notion de temps à cause de l'usage langagier de ce terme de temps qui prend assez facilement la place d'autres termes plus précis, peut-être qu'on aurait intérêt à utiliser. Effectivement, le temps est objet de représentations communes. Il va pouvoir prendre la place parfois d'un écoulement, on va dire le temps passe, ou le temps justement ne passe pas. On voit bien donc que le temps va être aussi synonyme de la notion de durée, ou le temps peut être synonyme de la notion d'instant, d'instantané. Voire même, on peut concevoir l'éternité comme un temps indéfini qui n'arrêterait jamais de passer, qui n'aurait plus aucune limite. Qu'en est-il exactement? Au fond, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à chercher ce qu'il y a exactement derrière le mot « temps » Peut-être lui préférer des synonymes plus précis comme « instant »,« durée », »,« succession » ou « devenir » ou changement, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on évoque, quand on mentionne le mot « temps » Et est-ce qu'on pourrait faire l'expérience de langage de s'interdire d'utiliser le terme de « temps » et de voir ce qui se passe? Quel mot utiliserions-nous à la place si nous nous interdisions dans notre langage quotidien de prononcer le mot « temps » Donc, qu'est-ce qui se passerait? Quel mot mettrions-nous à la place? Et donc, Étienne Klein va nous entraîner dans cette, finalement, aventure d'essayer de décrypter ce qu'il y a derrière ce terme. Alors, Étienne Klein, donc, directeur de recherche au CEA, membre de l'Académie des technologies, il anime sur France Culture l'émission « La science en question ». Il est aussi extrêmement soucieux de partager, finalement, avec un public non scientifique, les acquis de la science. Il a écrit de nombreux ouvrages de divulgation, Le pays qu'habitait Albert Einstein en 2016, ou Idée de génie en 2021. Il est aussi l'auteur de nombreuses vidéos divulgatives qu'on trouve en libre accès sur YouTube et qu'il partage donc généreusement avec tout un chacun son savoir. Et donc, il se présente, il se positionne comme un scientifique qui réfléchit non seulement sur les thèmes de la science comme le temps, mais qui réfléchit aussi sur la science elle-même. Et je voudrais mentionner un tout petit texte, enfin petit par le volume, mais à mon avis de très grande importance, qui est « Galilée et les Indiens » en 2008, où Étienne Klein défend la rationalité scientifique contre les assauts d'une pensée relativiste qui finalement voudrait mettre au même niveau les théories scientifiques et n'importe quelle théorie mythique ou autre. Et effectivement, Étienne Klein montre l'intérêt et la valeur de la rationalité scientifique. Mais donc, ici, il s'agit du contenu, enfin d'un objet de la science, du temps. Donc, abolissons pour un temps, je profite d'utiliser encore le mot tant qu'on peut, abolissons donc pour un temps l'usage du mot temps pour voir un petit peu ce qui va se cacher derrière ce terme. Je laisse donc la parole à Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Voilà, donc je vous remercie pour votre invitation, je regrette de ne pas être parmi vous. En fait, j'ai été victime d'un accident d'agenda numérique. Mon agenda s'est complètement effacé en mai dernier, et du coup j'ai des rendez-vous qui ont été annulés, que j'ai meublé par d'autres rendez-vous, de sorte que quand je compare ce à quoi je m'étais engagé et ce à quoi je suis engagé, il y a des collisions qui se produisent qui m'empêchent de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je suis au Mans pour le Salon du Livre et je regrette de ne pas pouvoir échanger directement avec vous. Je vous remercie pour la présentation du sujet qui vient d'être faite, qui est parfaite. Je voulais simplement commencer par interroger le titre de votre rencontre, « Prisonnier du temps ». Il me semble que le confinement que nous avons vécu ces derniers mois permet de poser un certain nombre de questions, puisqu'à l'époque, lorsque nous étions confinés, je parle du premier confinement qui a été un peu plus intense que ceux qui ont suivi, on a associé l'idée de confinement à la notion de temps. Personnellement, j'ai été souvent interrogé sur la perception du temps que nous avons lorsque nous sommes confinés, comme si le confinement était une affaire exclusivement temporelle. Évidemment, la question de la durée du confinement est essentielle. Il est important de savoir au bout de combien de temps, entre guillemets, on pourra à nouveau être libre. Mais comme chacun d'entre nous a pu le ressentir dans sa propre existence, le confinement, c'est d'abord une affaire spatiale, beaucoup plus que temporelle. Parce qu'en fait, on est tout le temps prisonnier du temps, nous sommes tout le temps confinés dans le temps, puisque le temps, malgré ses faux airs de fleuve qui se la coulent douce, est une authentique prison sans barreaux, une prison sans barreaux au moins pour notre corps. Le temps est comme une étreinte vis-à-vis de laquelle nous ne pouvons être que passifs. Nous habitons physiquement l'instant présent et nous ne pouvons pas en sortir, sauf peut-être par la mémoire ou par l'imagination. Et pendant les semaines qui ont duré le confinement, nous étions, en plus d'être confinés dans le temps, ce que nous sommes toujours, nous avons été confinés dans le temps, dans l'espace, pardon. Notre logement s'est transformé en cage, en petit vase beaucoup trop clos, en pseudo-prison plus ou moins confortable. Et donc ça, c'est une première remarque, c'est que l'espace est souvent considéré comme le lieu de notre liberté, alors que le temps est finalement le lieu de notre emprisonnement. Et dans l'introduction qui a été faite à l'instant, il a été question d'un colloque que j'ai organisé avec un collègue qui s'appelle Vincent Bonton à Cerisy-la-Salle en Normandie en juillet 2021, colloque où assistait Élie Durine, qui je crois est parmi vous pendant ce week-end. Et la consigne que nous avions donnée aux différents orateurs, qui étaient des physiciens, des philosophes, des historiens, des biologistes ou d'autres, a été de nous dire en une heure les mêmes choses que celles qu'ils disent d'habitude, de nous dire leur savoir disciplinaire, mais en s'interdisant d'utiliser le mot « temps » et en le replaçant par un autre mot qui dirait plus précisément ce qu'ils avaient à nous dire, puisque le temps est un mot qui est victime d'une polysémie fulgurante. On l'utilise pour dire à la fois la durée, la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, et beaucoup d'autres choses encore, ce qui fait beaucoup trop pour un seul mot. Et si on veut que les disciplines scientifiques communiquent entre elles, il faut d'abord se mettre d'accord sur le sens que chacune de ces disciplines donne à un mot que ces différentes disciplines partagent. Et l'expérience a montré que, en fait, c'est très difficile. Hein. Les orateurs avaient un lot de 20 points au début de leur exposé, et à chaque fois qu'ils utilisaient le mot « temps », ils perdaient un point. Et la plupart d'entre eux, à la fin de leur exposé, n'avaient plus de points parce que les automatismes avec lesquels nous disons le mot « temps » sont si puissants que nous peinons à pouvoir nous débarrasser de ce mot tant qu'il est présent dans nos façons ordinaires de parler. Alors, je vais commencer mon exposé, qui va durer moins de trois quarts d'heure, par faire une remarque très connue, déjà formulée par Saint-Augustin, mais qui a été reformulée d'une autre façon par Paul Valéry, qui a expliqué dans un ouvrage, plutôt dans une conférence, que le mot « temps » est un mot qui ne pose aucune difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire qui contient ce mot. Mais ce mot « temps » devient au contraire très embarrassant dès qu'on le retire de la circulation pour l'examiner à part. C'est-à-dire que le mot « temps », dès qu'il est isolé des mots qui l'entourent, dès qu'il est extrait du flux verbal dans lequel on l'a inséré, se métamorphose en énigme qui viennent tourmenter la pensée. Une fois que le mot « temps » est sorti de la phrase, on se demande « mais qu'est-ce juste que le temps ? S'agit-il d'une substance particulière ?» puisque le mot « temps » finalement est un substantif, et donc ce substantif laisse entendre que « autant » correspond à une certaine substance particulière. On se demande si le temps existe par lui-même, ou s'il est au contraire une entité secondaire qui émanerait des relations entre événements. On peut se demander aussi si le temps dépend de nous, est-il un produit de la conscience ? Et on a du mal, dès lors qu'on a fait ce travail d'exfiltration du mot hors des phrases dans lesquelles il est inséré, on a du mal à comprendre comment un mot aussi familier peut engendrer des questions aussi difficiles, rejoignant ainsi une remarque que vous connaissez certainement, qui avait été déjà formulée par Saint-Augustin au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, je vais citer rapidement. En fait, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de motos bruyantes qui circulent, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Mais je voudrais citer un extrait de cette conférence de Paul Valéry que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce qu'a dit ce jour-là Paul Valéry. Je saisis au vol le mot « temps ». Ce mot était absolument limpide, précis, honnête et fidèle dans son exercice tant qu'il jouait sa partie dans un propos et qu'il était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais le voici tout seul, pris par les ailes. Alors il se venge. Il nous fait croire qu'il a plus de sens qu'il n'a de fonction. Il n'était qu'un moyen. Et le voici devenu fin, devenu l'objet d'un affreux désir philosophique. Il se change alors en énigme, en abîme, en tourment de la pensée. Fin de citation. Vous voyez que cette remarque de Paul Valéry, que je trouve très puissante, parce qu'elle laisse entendre que si nous nous comprenons lorsque nous parlons du temps, c'est tout simplement parce que nous parlons vite. Et c'est la vitesse de notre expression qui fait que le temps, le mot temps, acquiert un sens qui dépend de la phrase dans laquelle on l'a mis. Et ça rejoint une remarque, ou une question plutôt, qui avait été posée par Wittgenstein, ce philosophe, très grand philosophe à mes yeux du XXe siècle, qui a posé la question après beaucoup d'autres, qu'est-ce que le temps ? Et il répond, l'erreur réside déjà dans la question, comme si la question était, de quoi, de quel matériau est fait le temps ? Comme on dit par exemple, de quoi est fait cet habit fin ? Et la conclusion à laquelle je vous invite à arriver, c'est celle qui donne raison à George Orwell, grand écrivain que vous connaissez, qui dit ceci, les mots n'ont pas plus de rapport avec la réalité que les pièces d'un jeu d'échecs avec des individus réels. Fin de citation. Ainsi, il faut conclure que, plutôt que conclure, je dirais plutôt qu'il faut constater que nous méditons sur le temps sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-ce que le temps est une substance ? Ce que semble indiquer le fait qu'il soit désigné par un substantif. Est-ce que c'est un fluide ? Pensez à la métaphore du fleuve. Est-ce que c'est une entité physique ? Est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que c'est une production de la conscience ? Est-ce que c'est une construction culturelle ? Et si vous examinez les phrases habituelles que nous prononçons qui contiennent le mot « temps », vous constaterez comme moi que certaines locutions familières suggèrent telle ou telle de ces hypothèses, que d'autres locutions tout aussi familières viennent la démentir. Par exemple, le langage se montre ambivalent lorsqu'il s'agit de répondre à la question suivante. Le temps est-il ce dans quoi s'inscrit le devenir ou est-il au contraire la manifestation d'un devenir qui lui serait sous-jacent ? Les avis divergent sur ces points comme sur tous les autres et pour cause. Qui saurait dire, à partir d'un savoir parfaitement sûr, si le temps est ce qui accueille les événements ou si au contraire, il en émane, et qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges quand nous disons qu'elles donnent l'heure, ou pour déterminer si le temps ne se montre vraiment que dans, je cite là Heidegger, si le temps ne se montre vraiment que dans la présentification de l'aiguille qui avance, selon les mots donc de Heidegger, ou si le temps est aussi cette puissance qui vieillit les êtres, altère et use les choses, ronge jusqu'aux roches les plus dures. En guise de réponse à des questions, chacun d'entre nous sait son mot et se sent d'ailleurs parfaitement autorisé à le faire. Mais en général, les esprits s'embrouillent rapidement. Un tel dit que le temps s'arrête quand plus rien ne change, tel autre dit qu'il continue de passer quand plus rien ne se passe, tel autre encore que le temps ne s'écoule que dans notre conscience, tel autre fin raconte que le temps s'accélère. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps n'a pas de vertu œcuménique. En parler n'équivaut pas à le dire et encore moins à le saisir. Et donc la question que je voudrais que nous discutions ensemble, même si c'est malheureusement à distance, c'est à quoi le temps ressemble-t-il vraiment ? Est-il comme notre langage le raconte ? Est-il comme nous croyons le percevoir ou le vivre ? Est-il comme le représentent les physiciens ? Ou est-il comme le pensent les philosophes ? Alors, évidemment, en général, quand on pose cette question, on se tourne plutôt vers les philosophes, parce que les philosophes sont les premiers à avoir pensé le temps, à avoir élaboré des concepts, des systèmes, parfois très convaincant, qui relie le temps à l'espace, par exemple, ou à autre chose, au changement. Et il y a une question qui vient se poser tout naturellement, c'est une question presque naïve, c'est quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe ? Alors, si la réponse à cette question est négative, c'est-à-dire si on considère que les physiciens qui parlent du temps ne parle pas de la même chose que les philosophes qui parlent du temps. Ça veut dire que il faudrait utiliser deux mots différents pour désigner deux choses qui sont différentes. Mais si au contraire on considère qu'ils parlent de la même chose, que les physiciens parlant du temps parlent de la même chose que les philosophes parlant du temps, alors arrive une seconde question qui est, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? Et la réponse à l'évidence est non. Les physiciens ne parlent pas du temps comme les philosophes, et donc se pose alors la question de savoir à qui on doit accorder du crédit, aux physiciens ou aux philosophes. Et on voit d'ailleurs que la question est compliquée par le fait que les physiciens, les philosophes, comme vous le savez, ne sont pas d'accord entre eux. Certains font dépendre le temps de la conscience, d'autres considèrent que le temps ne dépend pas de la conscience. Il y a ce qu'on appelle les philosophies de la conscience, qui sont par exemple portées par Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Bergson et quelques autres, qui pensent que le temps est corrélé à la conscience. Et puis il y a d'autres systèmes philosophiques qu'on appelle plutôt les philosophies du concept. Ça a été bien montré par Francis Wolff, qui sont des philosophies qui supposent que le temps ne dépend pas de la conscience. Alors si par exemple vous choisissez la première catégorie que je viens d'évoquer, celle des philosophes qui considèrent que le temps dépend de la conscience. Alors ce sont des systèmes qui sont très très argumentés, très élaborés, très convaincants, mais qui doivent affronter une difficulté en forme de paradoxe qui a été très bien explicité par un philosophe français qui s'appelle Quentin Meillassoux. Et cette difficulté, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. Alors, en quoi consiste-t-il, ce paradoxe? Dans le fait que les physiciens du XXe siècle, notamment, ont démontré, avec l'aide d'autres disciplines scientifiques d'ailleurs, que l'homme est un produit très tardif de l'évolution de l'univers. L'homme, le genre homo, disons, est là depuis quelques millions d'années. L'univers, lui, il a un âge au moins égal à 13,7 milliards d'années. Que nous montrent ces chiffres? Tout simplement que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Et donc, si vous supposez que le temps a besoin pour exister et pour passer de la conscience d'un observateur, et si en même temps la conscience est un produit tardif de l'évolution cosmique, alors vous devez comprendre comment le temps a pu passer avant l'apparition du premier sujet doté de conscience, si le temps est lui-même un produit de la conscience. Autrement dit, si le temps a besoin d'un sujet conscient pour exister, comment a-t-il pu passer avant l'apparition du premier sujet conscient? C'est un paradoxe assez redoutable, dont certains pensent qu'il est tellement grave qu'il oblige à abandonner les philosophies dites corrélationnistes, c'est-à-dire celles qui font dépendre le temps de la conscience, même si certaines tentatives récentes, notamment proposées par Michel Pitbull, essaient de montrer comment on peut dépasser ce paradoxe, peut-être même le résoudre, grâce à des arguments qui viennent de la phénoménologie. Je ne vais pas entrer dans les détails, simplement dire que quand vous dites que le temps est un produit de la conscience, eh bien, vous devez avoir conscience de cette difficulté que je viens d'évoquer, et qui n'est pas forcément rédhibitoire, mais qui est quand même quelque chose qu'il faut affronter de face, sans quoi votre discours, votre pensée, pourra être accusée de ne pas être cohérente et de ne pas affronter tous les problèmes qu'elle peut poser. Alors, si au contraire, vous considérez que le temps ne dépend pas de la conscience, qu'il est une entité physique, disons, alors vous allez devoir là affronter d'autres difficultés. La première, c'est que, par exemple, les physiciens, comme vous le savez, depuis Galilée, plus exactement depuis Newton, ont mathématisé le temps. Ils en ont fait une variable qu'on appelle petit t, qu'on trouve dans toutes les équations de la physique. Et cette conception-là invite à représenter le temps comme s'il était de l'espace. Par exemple, vous avez l'habitude, quels que soient vos métiers d'ailleurs, de tracer l'axe des temps, comme on l'appelle, comme étant un segment de droite sur lequel vous allez mettre une petite flèche qui est là pour indiquer que le temps a une dynamique propre, il avance. Cette petite flèche indique que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Vous devez suivre le sens indiqué par la flèche qui vient manifester ce qu'on appelle le cours du temps. Donc, cette représentation qui nous est familière est tellement familière, tellement habituelle qu'elle tente à masquer certaines difficultés terribles qu'elle pose. Par exemple, le fait que quand vous tracez cet axe du temps, sans forcément en avoir conscience, vous faites exister ensemble des instants du temps qui ne peuvent pas exister ensemble. Par exemple, quand vous tracez ou quand vous pensez à une longueur, par exemple la longueur de la table qui est devant moi, cette longueur, elle est constituée de points dans l'espace qui existent ensemble, qui coexistent, qui sont là en même temps présents dans l'espace. Mais quand vous tracez l'axe du temps, vous représentez des instants du temps successifs, donc qui n'existent pas en même temps, vous les représentez d'une façon qui les juxtapose, c'est-à-dire qui les fait exister ensemble, ce qui contredit leur statut. Autrement dit, c'est une représentation de la durée qui nous fait penser que la durée serait au temps ce qu'une longueur est à l'espace. Or, ce que je viens de dire vient montrer que la durée est quelque chose de tout à fait particulier, puisqu'elle est constituée d'instants successifs qui ne peuvent pas exister ensemble. D'autre part, cette représentation est ambiguë par le fait qu'elle ne dit pas quel est le statut du futur, ni quel est le statut du passé. Par exemple, quand vous êtes présent à l'instant présent sur l'axe des temps, est-ce que les instants du futur qui sont à droite de l'endroit où vous êtes sur l'axe sont déjà là quelque part à attendre que vous arriviez? Ou est-ce que au moment où vous êtes dans le présent, le futur est dans le néant? Pareil pour le passé. Est-ce que quand vous êtes présent à l'instant présent, le passé existe encore ailleurs que là où vous êtes? Ou est-ce qu'il est tombé dans le néant? Autrement dit, l'instant T que vous choisissez sur l'axe, l'instant de votre présence, disons, est-il ceinturé par du néant ou ne fait-il que parcourir un axe des temps qui serait présent de toute éternité? Vous voyez que cette représentation ne répond pas à ces questions. Elle semble les dissoudre, mais en réalité, elle les cache pour les rendre encore plus redoutables. Enfin, il y a une dernière question, même si je pourrais en réalité allonger la liste. La question est, quel est le moteur du temps? Autrement dit, quelle est cette dynamique cachée par laquelle chaque instant présent, dès qu'il devient présent, est aussitôt remplacé par un autre instant présent, etc. Quel est le moteur de ce renouvellement qui ne s'interrompt jamais? Donc, c'est ce que les physiciens appellent la question du moteur du temps. Et le problème, c'est que nos théories physiques, je parle des théories physiques qui sont opératoires, hein, c'est-à-dire la mécanique quantique pour ce qui est des interactions nucléaires et électromagnétiques, ou bien la théorie de la relativité générale pour ce qui est de la gravitation, ces théories ne disent pas de façon explicite quel est le moteur du temps. Certains physiciens travaillent à essayer d'unifier la physique quantique et la relativité générale pour trouver le moteur du temps. Certains prétendent y être parvenus, d'autres non, etc. Bref, c'est une question ouverte qui n'est pas tranchée par définition. Et donc, nous ne savons pas dire, nous les physiciens, ce qu'est le moteur du temps. Et donc, vous voyez, si vous dites que le temps dépend de la conscience, vous devez affronter le paradoxe de l'ancestralité. Et si vous dites que le temps ne dépend pas de la conscience, vous devez avoir conscience de l'existence du problème du moteur du temps. Autrement dit, vous avez du travail qui reste à accomplir. Alors, devant ces difficultés, on pourrait se dire finalement, le temps n'est qu'un mot, il n'y a qu'à examiner le sens qu'il a dans les différentes phrases que nous utilisons pour le dire, et puis on arrivera en les comparant, en les faisant entrer en collision les unes avec les autres, à déterminer une espèce de point commun entre toutes les définitions que nous avons dans nos discours à propos du temps, et ce socle commun sera l'essence même du temps qui serait ainsi révélé, non pas par le langage, mais par une critique du langage. Et on voit bien, c'est pas très compliqué à montrer, que c'est une démarche parfaitement vaine. Le sens que nous donnons au mot temps peut être contradictoire avec lui-même, selon les contextes dans lesquels on l'utilise, de sorte qu'il n'y a aucun sens qui serait une sorte de définition qui serait commune dans tous les usages que nous faisons du mot et qui permettrait de servir de socle à la critique du langage. Alors évidemment, quand on est physicien, on se dit, mais finalement, il y a trop d'ambiguïté sur le sens qu'on donne à ce mot. D'abord parce qu'il est victime, comme je l'ai dit en préambule, d'une polysémie fulgurante, mais aussi parce que c'est un mot auquel on n'hésite pas à accorder un adjectif. On parle du temps physique, on parle du temps psychologique, on parle du temps biologique, on parle du temps géologique, on parle du temps libre, etc. Autrement dit, nous parlons du temps comme s'il ressemblait au phénomène temporel. On constate par exemple que les phénomènes biologiques ont une certaine temporalité et on dit cette temporalité des phénomènes biologiques est en fait la démonstration de l'existence d'un temps biologique qui serait un temps autonome ou en tout cas différent du temps physique. Pareil pour le temps géologique et tous les autres que j'ai cités. Et voyez bien que si on admet, comme le langage invite à le faire, qu'il y a autant de sortes de temps qu'il y a de sortes de temporalités différentes, eh bien on considère que implicitement le temps est revêtu d'habits d'Arlequin, c'est-à-dire qu'il se déguise en permanence selon le type de phénomène auquel on s'intéresse. Mais si le temps avait ainsi de tels habits d'Arlequin, est-ce que ce serait un concept intéressant à penser? Évidemment non. Il faudrait plutôt parler des temporalités plutôt que d'invoquer à chaque fois qu'une nouvelle temporalité se manifeste l'existence d'un temps nouveau qui serait la bonne façon de décrire cette temporalité nouvelle. Et donc c'est proliférant, c'est pas très intéressant et ça conduit à beaucoup de confusion. Et donc la conclusion à laquelle j'arrive un peu trop rapidement, et je m'en excuse, pour vous dire la vérité, je suis entouré d'un brouhaha que peut-être vous n'entendez pas, mais qui gêne un peu ma concentration. J'ai quand même essayé de garder mon fil. Et donc, constatant cette confusion que je viens d'évoquer, on ne peut que donner raison à Paul Valéry lorsqu'il disait « Le sens du mot temps est trop ambigu, il est trop divers, il offre prise à trop de contradictions et il faut pratiquer ce que Paul Valéry a appelé lui-même un nettoyage de la situation verbale. » C'est-à-dire il faut faire une critique du langage à partir d'un socle de connaissances qui permettrait de fonder cette critique. Et évidemment, quand on est physicien, on se dit que la physique, c'est la discipline qui est la mieux placée pour servir de socle à la critique du langage, en remarquant tout simplement que depuis qu'elle a fait du temps un paramètre mathématique, le paramètre T que j'ai déjà évoqué, la physique a énormément gagné en puissance opératoire. Et si par exemple vous prenez comme exemple les deux grandes dernières découvertes des physiciens, je parle évidemment du boson de Higgs, cette nouvelle particule qui a été détectée en 2012, ou bien les ondes gravitationnelles qui ont été détectées pour la première fois en 2015, c'est-à-dire un siècle après qu'Albert Einstein ait prédit leur existence en 1916, ben ces deux découvertes, sans que j'ai le temps de l'expliquer, sont des découvertes qui nous disent des choses à propos du temps. Par exemple, le boson de Higgs est une particule qui nous a permis de comprendre comment, dans l'histoire de l'univers, les particules élémentaires ont acquis leur masse. Alors, vous savez bien qu'en théorie de la relativité restreinte, pour qu'un temps propre soit associé à une particule, il faut que cette particule ait une masse non nulle. Et donc, la découverte du boson de Higgs nous a permis de comprendre, disons, l'origine de ce qu'on pourrait appeler le temps de la matière, le temps des particules. Et puis, les ondes gravitationnelles, elles correspondent à des propagations de modulation, de vibration de l'espace-temps lui-même qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et ces ondes gravitationnelles qui ont été, je parle de celles qui ont été détectées pour la première fois, elles ont été produites par une collision de deux trous noirs il y a 1,7 milliard d'années. Collision qui a libéré une énergie absolument incroyable, une puissance absolument incroyable, puisque deux trous noirs ont fusionné et la masse du trou noir qui a résulté de cette fusion de deux trous noirs qui avaient des masses chacun d'une trentaine de masses solaires, dans le trou noir qui a résulté de la fusion, il y a deux masses solaires qui avaient disparu. Ça veut dire que l'énergie libérée par cette fusion de trous noirs a été égale à mc², la formule d'Einstein, où m est la masse de deux fois le Soleil, deux fois la masse du Soleil. Pour mémoire, je vous rappelle que dans l'explosion d'Hiroshima et de celle de Nagasaki, il y a un seul gramme d'uranium qui a été transformé en énergie. Et donc, un gramme de matière a fait l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. Là, je vous parle d'une énergie libérée par deux fois la masse du Soleil. Donc, c'est des grandeurs absolument gigantesques. Et on a pu détecter les effets produits par la traversée de la Terre par ses ondes gravitationnelles. Et cette onde gravitationnelle a modifié pendant un temps très court les distances entre les points de l'espace. Et la mesure qui a été faite de du passage de cette onde gravitationnelle a été absolument conforme aux prédictions théoriques qui avaient pu être faites. Et donc on peut se dire, la physique est devenue tellement puissante qu'elle nous apprend des choses sur le temps. Et nous devons essayer de comprendre ce que les équations de la physique nous diraient du temps si elles pouvaient parler. Et ainsi, nous saurons comment bien en parler et ainsi corriger nos façons de dire pour tenir compte de ce que nous savons. Alors, quand on fait cela, on fait des découvertes absolument passionnantes. Par exemple, on s'aperçoit que la physique oblige, si on prend au sérieux son efficacité, elle oblige à distinguer le temps du devenir, le temps du changement, si vous préférez. Autrement dit, la physique nous oblige à distinguer deux formes d'irréversibilité que nous avons tendance à confondre dans notre façon de penser et dans notre façon de dire. Alors, quand je dis qu'il faut distinguer le temps du devenir, si je devais dire la même chose avec un langage de physicien, je dirais qu'il faut distinguer ce qu'on appelle le cours du temps de ce qu'on appelle la flèche du temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le cours du temps ? Le cours du temps, c'est le fait que dans les théories physiques, la façon de représenter le temps est contrainte, toujours contrainte, par ce qu'on appelle le principe de causalité. Le principe de causalité dit, dans sa version classique, que tout événement est l'effet d'une cause qui l'a précédé. Et comme vous le savez certainement, la physique quantique, notamment, a obligé à remettre en cause l'idée même de cause. Et le principe de causalité s'exprime désormais sans faire explicitement référence à l'idée de cause. En fait, le principe de causalité dit dans sa version la plus simple qu'un événement qui a eu lieu a eu lieu. Autrement dit, si quelque chose s'est passé dans le temps, il demeurera éternellement vrai que cet événement s'est passé. Autrement dit, un événement qui a eu lieu ne peut pas être défait. Aucune rétroaction venant du futur ne peut modifier ce qui a eu lieu. Tout événement passé est protégé de toute rétroaction venant de la suite des événements qui lui a succédé. Et ce principe de causalité, il a des effets très très très très importants dans les théories physiques. Par exemple, dans la physique de Newton, il interdit que le temps soit cyclique. Il oblige que le temps soit linéaire. En théorie de la relativité restreinte d'Einstein, le principe de causalité impose qu'une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière. En physique des particules, le principe de causalité a permis de prédire l'existence de l'antimatière, des antiparticules. Bref, le principe de causalité a des conséquences théoriques qui ont pu être vérifiées expérimentalement d'une façon très spectaculaire, de sorte qu'on a toutes les raisons de le prendre au sérieux. Et ce principe de causalité dit simplement qu'un instant, qui apparaît dans le temps, est un instant qui est toujours un instant inédit. Autrement dit, on ne peut jamais retrouver dans le futur un instant qu'on a déjà connu dans le passé. Tout instant présent, tout instant du temps même, je pourrais dire, est un instant qui, au moment où il advient, est complètement inédit. Même si mathématiquement, il a le même statut que tous les autres instants, puisque, comme vous le savez certainement, le paramètre T qu'on met dans une équation de la physique ne dépend pas lui-même du temps. Ça veut dire que pour un physicien, le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Le temps ne dépend pas du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le court temps. Excusez-moi, il y a eu un petit accident technique. Je reviens vers vous, je remets mon téléphone. Voilà. Le temps ne dépend pas du temps et le cours du temps est simplement la manifestation de l'irréversibilité du temps. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours du temps. Et puis, il y a une autre chose qui n'a rien à voir, qui s'appelle la flèche du temps. La flèche du temps, c'est le fait que l'évolution de certains systèmes physiques est irréversible. C'est-à-dire qu'un système physique qui évolue ne peut pas retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. Par exemple, si vous mettez du lait dans votre café, ça fait du café au lait. Et vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez. Vous ne retrouverez jamais dans le futur l'état initial, c'est-à-dire d'un côté du lait blanc, de l'autre côté du café noir. Le fait qu'ils aient été mélangés est irréversible. Ça, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est-à-dire le fait que l'évolution dans le temps de certains systèmes physiques est irréversible. Sans que j'aie le temps d'aller dans les détails, cette irréversibilité a paru, notamment au XIXe siècle, et ça a continué au XXe siècle, à certains physiciens comme étant paradoxal. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez n'importe quelle équation fondamentale de la physique, qu'il s'agisse des équations de Newton pour la mécanique, qu'il s'agisse des équations de la mécanique quantique, qu'il s'agisse des équations de la relativité générale, vous observez quelque chose d'assez incroyable, qui est que quand vous changez le signe de la variable T qui désigne le temps, les équations qui contiennent cette variable sont invariantes, elles ne sont pas modifiées. Quand vous changez T en son opposé, autrement dit, quand vous faites se dérouler le temps dans l'autre sens, au lieu que ce soit du passé vers le futur, c'est du futur vers le passé, les équations restent les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'après la physique, d'après les équations fondamentales de la physique, tous les phénomènes physiques devraient être réversibles. C'est-à-dire que tout système physique devrait pouvoir retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. Ce qui n'est pas ce que nous observons pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure en prenant l'exemple du café au lait. La plupart des phénomènes que nous pouvons observer dans la vie courante sont des phénomènes irréversibles. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment comprendre l'irréversibilité constatée des phénomènes avec des équations physiques qui sont réversibles, qui sont invariantes par renversement du temps. Et ça, ça a été l'objet de débats terribles, notamment au XIXe siècle, et je n'ai pas le temps de commenter cela. Je donnerai simplement la conclusion. Les arguments en physique qui permettent d'expliquer les effets que produit la causalité, le principe de causalité dans les équations, sont tous différents des arguments qu'on utilise pour expliquer la flèche du temps, c'est-à-dire l'irréversibilité des phénomènes. Et le fait que les régimes d'explication de ces deux choses soient différents signifie que ces deux choses sont différentes. Autrement dit, nous avons tort de confondre deux irréversibilités différentes, d'une part celle du temps, d'autre part celle des phénomènes physiques. En fait, le temps, il est toujours irréversible. Les phénomènes physiques le sont souvent, mais il y a des exceptions que j'évoquerai si j'en ai le temps. Alors, j'ai bien conscience que ce que j'ai dit là est incomplet, et j'ai également bien conscience que ce que je viens de dire là n'est pas clair, parce que je suis gêné par le bruit qui m'entoure. Mais je vais vous donner quand même une illustration qui vous paraîtra peut-être plus simple à comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'un peintre enfin l'œuvre d'un peintre franco-polonais qui s'appelait Roman Opalka. C'est un peintre qui est mort il y a quelques années et qui, entre 1964 et sa mort qui remonte, je crois, à 2011 ou 2012, a fait tous les jours de sa vie la même chose. Il a pris des tableaux d'1m80 sur 1m, avec un fond noir, et chaque jour, il a peint sur ces tableaux noirs, avec une peinture blanche, la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, etc. À la fin de sa vie, il était arrivé à 4 millions. Et quand il avait terminé un de ses tableaux, ça lui prenait quelques jours, voire quelques semaines, il se prenait en photo dans la même position, avec les mêmes habits, le même appareil photo et le même éclairage. Et donc, il a produit une œuvre qui, sans qu'il en ait conscience, et j'ai pu rencontrer à la fin de sa vie, et on a longuement parlé de tout cela, il a produit une œuvre qui distingue le cours du temps de la flèche du temps. Pourquoi ? Parce que la suite des nombres entiers, évidemment, représente le cours du temps. Tous les nombres qu'il a peints sont des nombres différents les uns des autres. Mais chaque nombre est obtenu à partir du précédent, de la même façon, en lui ajoutant simplement 1. Donc tous les nombres sont différents, mais ont le même statut. De même que tous les instants du cours du temps sont différents, mais ont le même statut. Donc, les tableaux qu'il a peints représentent le cours irréversible du temps. Et puis ensuite, il y a les photos. Les photos qu'il a intercalées entre chacun des tableaux. Les photos, je l'ai dit, représentent son visage. Et évidemment, il a ce visage qu'il a, bah, il change au cours du temps, il devient plus marqué, les cheveux blanchissent, les rides apparaissent, enfin, on connaît tous cela. Et ça montre, cette fois, non pas le cours du temps, mais la flèche du temps, c'est-à-dire l'irréversité de son propre devenir. Et donc, il a produit une œuvre qui distingue les deux choses. Finalement, en allemand, ça se comprend bien, et ça... En allemand, compter, ça se dit zahlen. Zahlen, c'est compter. Et puis, raconter, c'est erzählen. Et on pourrait dire que, d'ailleurs, ça marche aussi en français, on peut dire que les tableaux comptent et que les photos racontent. Voilà. Et cette différence entre compter et raconter est une illustration symbolique de la différence que je faisais tout à l'heure entre le cours du temps et la flèche du temps. Et donc, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, mais si vous considérez que c'est la physique qui a autorité à parler du temps, on voit sur l'exemple que j'ai donné qu'elle obligerait, si on la prenait au sérieux, à modifier nos façons de dire. Façon de dire qui, vous l'avez remarqué, ne change pas au cours du temps. Si vous lisez aujourd'hui, en 2021, le livre de saint Augustin qui s'appelle « Les Confessions », écrit au IVe siècle après Jésus-Christ, vous voyez que dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Le temps ». Et si vous le lisez, vous comprenez tout ce que dit saint Augustin pour la simple raison que nous parlons comme saint Augustin. Autrement dit, les découvertes qui ont été faites par Newton, Einstein, Boltzmann et beaucoup d'autres, qui ont profondément modifié notre façon de comprendre le temps en physique et notamment ses relations à l'espace, ces découvertes fondamentales qui sont des révolutions, n'ont eu aucun impact sur notre façon de dire le temps, puisque nous comprenons ce que dit saint Augustin. Si ces découvertes avaient été prises au sérieux, nos façons de parler auraient été tellement modifiées qu'on ne pourrait pas comprendre ce que dit saint Augustin. Alors, ça m'amène en conclusion à une réserve, parce que quand je parle, comme je viens de faire, je peux vous donner l'impression que je mets la physique au-dessus des autres disciplines, puisque c'est d'elle que je me suis servi pour dire, finalement, c'est la physique, enfin les physiciens, qui ont autorité à parler du temps. Mais en fait, je dois confesser une forme de réserve qui m'oblige à ne pas être aussi autoritaire, précisément. Et cette réserve est la suivante. Comme je l'ai dit, c'est Newton qui a décidé d'appeler temps le paramètre petit t. Et le problème, c'est que quand on lit Newton, on ne comprend pas bien, quand on lit les Principia, par exemple, son livre le plus important, quand on lit les Principia, on ne comprend pas d'où vient que Newton a décidé d'appeler temps le paramètre T qui n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps lorsque nous parlons du temps. Autrement dit, Newton ne nous dit pas par quel stratagème intellectuel il a été amené à appeler temps un paramètre physique qui ne ressemble pas à l'idée que nous avons du temps. Par exemple, je vous l'ai dit, nous avons tendance à considérer que le temps ressemble au phénomène temporel. Et Newton nous dit, non, le temps est quelque chose qui est complètement indépendant des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps. Nos systèmes de pensée nous invitent à confondre le temps et le changement. Par exemple, quand on dit quand plus rien ne change, le temps s'arrête. Et Newton nous dit, même si rien ne change, le temps est toujours là à passer de la même façon. Et ça va même plus loin, puisque Newton, en disant que le paramètre T ne dépend pas du temps, c'est-à-dire qu'il a la même forme mathématique invariable, quel que soit l'instant du temps qu'il désigne, ce que nous dit finalement Newton, c'est que la seule chose qui ne change pas dans l'univers, c'est le temps. Or, nous avons tendance à confondre le temps et le changement, comme si le temps était l'illustration ou l'incarnation du changement. Non, Newton nous dit, le temps ne change pas au cours du temps, sa façon d'être le temps. Il échappe à toute forme de variation. D'accord ? Et donc, comme Newton ne le dit pas par quel type de raisonnement il a été amené à reconnaître dans le paramètre T le temps, on peut se demander ce qui se serait passé si au lieu de nommer ce paramètre le temps, il l'avait nommé autrement. S'il avait dit, par exemple, le paramètre T, c'est non pas le temps, mais c'est une nouvelle chose que je vais appeler truc, par exemple. Mais s'il avait fait ce choix, s'il avait baptisé le paramètre T de cette façon, aujourd'hui, il y aurait des colloques de physiciens qui parleraient de truc, tandis que les philosophes, les biologistes et les autres feraient des colloques pour parler du temps tel qu'on a l'habitude de le dire. D'accord ? Et donc, voilà, il y a une petite réserve qui est que, Newton a fait un choix sémantique dont on peut se demander s'il était parfaitement légitime dès lors que nous ne connaissons pas les raisons qui ont prévalu à ce choix particulier. Alors, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que, et ça a été dit dans la présentation tout à l'heure, un certain nombre de physiciens, dont Carlo Rovelli qui a été cité tout à l'heure, sont des physiciens qui n'hésitent pas à dire que le temps n'existe pas. Alors, ils ont évidemment parfaitement le droit de le dire, et ce sont des physiciens qui travaillent dans le domaine que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des physiciens qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation. Donc, ils essaient de construire des cadres théoriques nouveaux, des formalismes inédits qui permettraient d'intégrer en même temps, si j'ose dire, une description des interactions électromagnétiques et nucléaires et également des interactions gravitationnelles. Alors, il y a plusieurs pistes théoriques, la théorie des supercordes, il y en a beaucoup d'autres. Et ce qui se passe, c'est que quand un physicien élabore de nouvelles équations, de nouveaux concepts mathématiques, eh bien, s'il ne reconnaît pas dans ces nouveaux concepts, quelque chose qui ressemble à ce qu'il appelle le temps, ou à ce qu'il considère comme étant le temps, eh bien, il dira « le temps n'existe pas ». Il dira « le temps n'existe pas parce que je ne vois pas de contrepartie de l'idée que je me fais du temps dans les équations que j'écris ». Ok ? Alors, vous voyez bien que pour arriver à cette conclusion, il faut avoir une idée précise du temps. Autrement dit, il faut savoir ce qu'est le temps. Autrement dit, il faut être capable de le connaître pour être ensuite capable de ne pas le reconnaître dans les équations. Autrement dit, on arrive à cette sorte de paradoxe qui est que pour dire que le temps n'existe pas, il faut très précisément savoir ce qu'est le temps. Or, comment peut-on prétendre savoir très précisément ce qu'est le temps si le temps n'existe pas? Voilà, c'est sur ce paradoxe que je souhaite terminer pour ouvrir la discussion que nous aurons peut-être, si les moyens techniques le permettent. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour sans doute la mauvaise qualité de l'audition rendue délicate par le bruit qui m'entoure. Merci à vous. Bien, un très grand merci pour nous avoir expliqué aussi clairement finalement ce que physicien et philosophe, peut-être avons-nous du mal à nous entendre effectivement parce que sous le mot temps, il n'y a pas exactement le même concept que nous visons. Et merci mille fois d'avoir éclairci et cet éclaircissement ne peut que finalement nous permettre d'engager un dialogue beaucoup plus fructueux entre justement philosophes et physiciens, dans la mesure où nous saurons mieux ce dont quoi respectivement nous parlons.